L'éclat glacial et bleu transperce le silence. Je m'engouffre dans l'antre électrique et nocive, vite étouffe à l'instar d'une mouche captive, d'un monstre virtuel, un bijou de la science, qui a des yeux partout, un corps indéfini, qui exerce sur moi son pouvoir hypnotique. Je connais sa tactique, il m'excite, me pique, mais je reste empêtré dans sa toile infinie.